J'approche de travaux qui imposent que la circulation soit alternée. D'où la solution des feux tricolores temporaires. Le feu va passer au rouge. En général, ces feux restent rouges dans les deux sens, le temps nécessaire aux usagers de parcourir la zone encombrée. Je n'ai qu'une solution à adopter, m'arrêter. Et attendre patiemment qu'il repasse au jaune clignotant en bas. Je m'arrête donc avant le feu. Réponse C.